Respecter toutes nos formations. Maintenant c'est comme ça qu'on répond. Je fais du son. Man, même quand je dors, j'écris des textes. Toute notre vie, on veut faire de la scène. Je fais pas de petits séjours en détention. On a de la détente sous ton panier. J'ai des poteaux carrés. Toi sur la photo, t'es moche. Je vais pas lui mentir en cachant mon vrai caractère. Depuis que mon cachet monte, le tri grave là, elle veut dans la table. Moi comme un gava, toi comme une faguette. Je lui mets mon brava et fume un cognac sur la fenêtre. Moi comme un gava, toi comme une faguette. Je lui mets mon brava et fume un cognac sur la fenêtre. Rentre pas dans la maisonnette si t'es pas des nôtres. J'ai du rechit, j'prends pas de pincette, j'en roule un autre. Pour la fourrée, pas de soucis, j'attends pas les noces. Clope fait chercher chez le pack, finisse dans la poche. Pourquoi je suis sur poche? Je me suis trompé de métro, je suis p'tit, tu monteras pas sur scène, arrête d'insister. Je veux pas connaître tes frères, ton équipe d'inceste. Et pour sortir tes sons, t'es claqué, tu demandes qu'on t'assiste. Tes grands sont les types de mes grands. Quand Lyonzon arrive, ces putes se mettent en rang. Clique sur YouTube, c'est Lyonzon à rat. Mais leg dans la voiture, tu fonces dans le barrage. Et dans le clown, je ride, falafel, fais pas la raca. Je suis avec tout mon Lyonzon, personne baisse son frais, je retarde. Hier j'étais fire, aujourd'hui je suis un revenant. Achète des kilos de promettes, y'a plus besoin de t'éphémère. Quand connais la recette, sans Lyonzon, c'est nous les plus. C'est avec nous qu'il y a ton trône, valeur, il n'y a pas un bleu. Le plus important, je l'ai appris dans la rue. Sans souci, tous mes négros sont dans la rue. J'essaie d'être un homme bon. Après le mal que je fais, ils ont l'escalage pour de faux. On a la substance pour de vrai. Caprice.